Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'Armée Populaire de Corée, avec des cadres responsables du Comité Central du Parti, des scientifiques et techniciens du secteur de recherche des armes nucléaires. Aux exercices, on prépare les troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, chargées de la mission de frappe des bases des troupiers américains en Corée du Sud. Faisant le tour des champs de tir, le maréchal Kim Jong-un s'est informé en personne des préparatifs d'exercice et a écouté le programme de tir avant de lancer l'ordre de commencer les exercices. Ces exercices ont simulé les premières frappes des ports et aéroports dans la zone d'opération sud-coréenne où seront disposés des armements nucléaires américains, la portée étant donc limitée. On y a vérifié de nouveau les caractéristiques d'action des dispositifs de commande d'explosion de l'ogive nucléaire de la fusée balistique à la hauteur définie au-dessus de la cible. Le maréchal Kim Jong-un s'est montré très satisfait des exercices et a apprécié haut que les artilleurs façon des forces stratégiques sont parfaitement prêts à tous les ordres imprévus et que la capacité de déplacement et la puissance de frappe sont toujours exactes et précises. Le maréchal Kim Jong-un a présenté les tâches de valeur de guide pour assurer parfaitement la rapidité et la sûreté de la fonction du système de frappe nucléaire, perfectionner davantage les méthodes de combat de frappe à feu à la coréenne et exploiter des fusées balistiques variées au cadre responsable du Comité central du Parti du Travail de Corée, aux scientifiques et techniciens du secteur de recherche des armes nucléaires et aux commandants des forces stratégiques de l'Armée populaire de Corée qui l'accompagnent.